mon butin. Arrive, arrive, moi j'ai trippé sur mes gains. Arrive, arrive, mon bat les couilles du gain. Arrive, arrive, dans mon sac y'a du bezin. Arrive, arrive, ben ouais j'me lave à fond. Arrive, arrive, arrive, arrive, arrive, arrive, arrive, arrive. Comme t'es un bébé, tu chies dans ta culotte. Quand y'a bagarre, toi tu veux que c'est pareil. Ta vie c'est pleurer, tu fais que de râler. On sait que de rôle, on fait juste la maman. Tu fais ça, mais on te voit sa mère. Tu peux grandir trop vite, mais tu restes un gamin. Tu fais le poids des arts, tu peux pas les baliser. Je suis dans les magasins, t'as le droit des balisés. Toi qui bégayes comme un bébé. Toi qui pleures le matin comme un bébé. Toi qui chies dans ta boue comme un bébé. Là tu n'as plus les mots comme un bébé. Tu parles d'officialiser, tu fais tomber par ta go. Je veux cristalliser, diamant platiné, pas dépôt. J'ai analysé, tes ventes sont plutôt décevantes. Pareil que l'assassin te répond plus ces derniers temps. Les jours tu nous parles de clopes et de monnaie. Et maniero, tu n'es pas que de clopes et de gosses siliconés. Et maniero, si je te connais pas, dis-moi qui te connais. Et maniero, tu n'es pas sur terre, tu n'es qu'un nouveau-né. Et maniero, tu fais si tu fais ça.